Infrarouge. Les électeurs de Trump, qui sont-ils? Chaque mercredi soir, Infrarouge, une émission de la RTS, discute un thème d'actualité. Après l'élection de Donald Trump, comme nouveau président des États-Unis, beaucoup de gens sont choqués par ce résultat et ils se demandent comment cela a été possible. Le lendemain des élections, mercredi 9 novembre 2016, Infrarouge discute le thème Trump, président, le choc et après, avec des politiciens et des spécialistes. Une partie de l'émission se forme d'une contribution de Sébastien Faure, correspondant à l'étranger, qui se trouve aux États-Unis et qui répond aux questions. Qui sont les électeurs de Trump et pourquoi ont-ils voté pour lui? Cette contribution sous forme d'interview entre la présentatrice et le correspondant à l'étranger va être transcrite et analysée dans ce qui suit. Analyse. Ce qui frappe dans cette interview, c'est la différence au niveau du style et de la syntaxe entre la présentatrice et le correspondant à l'étranger. Esther Mamarbashi a probablement bien préparé les questions qu'elle va poser pendant que Sébastien Faure n'a pas préparé son discours. Ainsi, Mamarbashi forme des phrases avec une syntaxe issue de l'écrit. Il s'agit d'un écrit oralisé. Faure, par contre, réagit spontanément aux questions de la présentatrice. Il fait beaucoup de pauses et utilise des mots comme « bah »,« et » pour remplir ses pauses. De plus, si Mamarbashi fait des phrases qui seraient grammaticalement correctes à l'écrit, Faure montre une syntaxe typiquement orale en abréageant les négations. On remarque alors que le style de Mamarbashi est beaucoup plus élevé car elle utilise des figures de style, comme par exemple « vous connaissez, vous avez fréquenté, vous étiez pendant 5 semaines avec ces électeurs de Donald Trump ». Par contre, Faure, bien qu'il parle des faits relativement complexes, il forme des phrases plutôt simples et utilise des mots issus du langage familier, comme par exemple « un tas d'arguments ». Tout cela révèle le fait qu'il s'agit chez la présentatrice d'un discours écrit oralisé et chez Faure d'un discours oral non préparé. Comme c'est typique pour les correspondants à l'étranger, Sébastien Faure est filmé non pas dans un studio, mais sur les rues à New York, ce qui rend plus authentique son statut comme correspondant à l'étranger. On entend les bruits des voitures et Sébastien Faure doit même faire des pauses quand c'est trop bruyant.